Cartel Records. J'investis sur mes terres, en prison mes frères. C'est pour eux que je kick des terres. La punk je brise des têtes. Donc j'ai la rime qui t'effraie. Dis-moi qu'est-ce que tu préfères. Y'a de la weed, y'a du terre. Sors le jack, serre un verre. Number one, sans faire exprès. Ok, je fais le boulot, je fais pas les poulets. J'ai la tête sous l'eau, mais crois pas que j'ai coulé. Sentez-moi dans le rétro, je sais qui veut me doubler. Ça me déchire le cerveau pour que mon crâne est troué. Travaille sur mes couplets H24. Il paraît que t'as tiré, mais je ne vois pas d'impact. Voir son déguisement, j'ai pas besoin de as. Je suis différent sans avoir joué de Mars attaque. Tac, tac, tac. FMC, Favela, Siadra, Siadra, tout le monde est là.